Bonsoir tout le monde, nous sommes le 3 mai 2023, l'album de la semaine, c'est l'album With The Beatles, avec les Beatles, forcément. On écoutera It Won't Be Long, All I've Got To Do, All My Loving, I Wanna Be Your Man, Don't Bother Me et Little Child. Il y aura évidemment du McCartney, du Lennon, du Harrison et du Starr. Pour McCartney, ce sera Every Night sur l'album McCartney en 1970. Pour John Lennon, ce sera Hold On sur Plastic Ono Band en 70 aussi. Quant à George Harrison, il nous chantera My Sweet Lord, mais le mix de l'an 2000. Légèrement différent. Vous en jugerez si vous ne le connaissez pas. Et si vous le connaissez, ben, ça vous fera le plaisir de le réentendre. Quant à Ringo, ce sera Six O'Clock, chanson composée par Paul McCartney et offerte à son pote Ringo Starr en 1973 pour l'album Ringo. Pour le reste, eh bien, vous pourrez en juger. Ce sera sympa, ce sera bien. Et ce sera jusqu'à 22h, un petit peu plus. Mais à peine, voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve dans quelques instants sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four. Premier titre, It Won't Be Long, ce sera pas long. With you. wasting my time. Every night I lay on a pillow, resting my mind. Every morning brings a new day. I just wanna stay in and be with you. And be with you. Cette chanson Every Night, monsieur Paul McCartney en 1970 sur l'album du même nom, enfin l'album McCartney tout court. Qu'est-ce que c'est bien. Il avait travaillé, il voulait en faire une chanson pour les Beatles et bien entendu ça aurait fait une très belle chanson. Et puis comme ça s'est mal passé, je garde tout pour moi. Et puis voilà, et ne parlons pas de George Harrison. Je garde tout pour moi parce que vous voulez pas les passer. Et bien quel bel album All Things Must Pass, mais on n'en est pas encore là. On en est à John Lennon. Gonna be alright. You're gonna win the fight. Hold on, Yoko, Yoko, hold on. It's gonna be alright. You're gonna make the fight. When you're by yourself and there's no one else, you'll just have yourself, and you tell yourself just to hold on. Be all right. You're gonna see the light. Oh, and when you're warm, really warm, well, you get things done like they've never been done. So hold on. Voici maintenant Monsieur George Harrison et My Sweet Lord. I'd like to go with you. down to sleep. I wipe a tear from my eye. It can't be the kind of company I keep that keeps me asking. You keep me asking. You keep me wondering why. No, I don't treat you like I should. It could be the comfort going to my head that makes me wanna dream of you. But while you're sleeping softly in your bed, I'd like to tell you, I'd love to tell you too. Good enough for you, but I know for sure I could do more, more, more. Et dans la version longue, comme le souligne Yann sur Facebook, dans le groupe La Saga des Fab Four, on entend Ringo faire et il recommence No, I don't treat you like a ad lib, donc il n'arrête pas de répéter ça. Mais on entend beaucoup plus Paul McCartney et Linda, et c'est extrêmement sympathique. Nous avons écouté tour à tour depuis le début les Beatles avec It Won't Be Long, Every Night par Paul McCartney, Lennon nous a chanté Hold On, puis Harrison My Sweet Lord, la version 2000 des 30 ans de l'album, et à l'instant Ringo Starr, Six O'Clock, chanson écrite par Paul McCartney pour son pote Ringo. Puisque nous avons parlé de tout le monde, il est temps pour nous de tout savoir sur le meilleur site pour tout savoir sur les Beatles. Et c'est le site de Lovely Rita. Mais alors, qui est Lovely Rita? Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez tout savoir sur John, Paul, Ringo, George, il vous suffit d'aller sur beatlesmagazineuk.com. C'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, C'est lu par des milliers de fans à travers le monde et vous avez toute l'actualité des Beatles, y compris celle de Paul et de Ringo. Bref, toute l'actualité, c'est sur Beatles Magazine, uk.com, 24h sur 24, 7 jours, même 8 jours, 8 days a week. Whenever I want you around, yeah, all I gotta do is call you on the phone and you come running home. Yeah, that's all I gotta do. And when I wanna kiss you, yeah, kissing you. And the same goes for me. Whenever you want me to go, I'll be here, yes I will. Whenever you go, you just gotta call on me, yeah, you just gotta call on me. And when I wanna kiss you, yeah, same goes for me. Whenever you want me to talk, I'll be here, as I will. Whenever you go, you just gotta call on me, yeah, you just gotta call on me. Oh, you just gotta call on me. Let's go. Back, back, back, back, back. Yeah, yeah, yeah, yeah. I said I'm sitting here watching matchbox holding my clothes. I said I'm sitting here wondering matchbox holding my clothes. I ain't got no matches, but et les Beatles avec un single, Matchbox Slow Down, c'est en 1964. Auparavant, c'était All I've Got to Do, l'extrait de l'album de la semaine des Beatles, l'album With the Beatles. Et ce qu'on pouvait dire sur cette chanson-là, c'est que la moitié des chansons de With the Beatles furent composées par Paul et John, et le plus souvent expressément pour cet album, mais All I've Got to Do est uniquement dû à la plume de John, et fut composé en 1961. Il s'agissait, d'après ses propres termes, de faire encore une fois du Smokey Robinson. En 1980, alors que John enregistrait en studio la partie vocale de Woman, Yoko lui fit remarquer qu'il sonnait comme un Beatle, tu parles. Et John lui répondit « En vérité, mon amour, je suis en train d'imaginer que je suis Smokey Robinson, parce que les Beatles ont toujours fait semblant d'être Smokey Robinson. » William Smokey Robinson était en 1963 le leader d'un groupe de Détroit, les Miracles. Alors âgé de 23 ans, c'était un chanteur à la voix de miel qui composait, arrangeait et produisait ses chansons. Bob Dylan dit un jour de lui qu'il était son poète contemporain favori. Et ce n'était pas tout à fait une plaisanterie. Les Beatles reprirent sur le même album l'une de ses compositions, You Really Got a Hold on Me, que les Miracles avaient placé dans le top 10 américain en février 1963. Le fait qu'il ait enregistré fut l'un des plus beaux compliments que l'on m'ait fait, dit Smokey Robinson. Je n'arrêtais pas de l'écouter. Non pas pour les critiquer, mais parce que ça me faisait plaisir. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de cette chanson. Et la suite, c'est maintenant. C'est encore les Beatles. Et c'est Thank You Girl sur RIG. Bougez pas, Paul McCartney arrive dans la saga des Fab Four. More guitar. queue to call the cosmic empire. I want a front row view down at the cosmic empire. An omnipresent view down at the cosmic empire. Shining clear, it beats right there. Where one world's all disappear, it shines bright there. Down at the cosmic empire. Down at the cosmic empire. Souls are filled with joy, can't resist the spirit no one can destroy. You find bliss there. Down at the cosmic empire. Down at the cosmic empire. Commencer par Ooh You de McCartney sur l'album McCartney. Et puis à l'instant, quel dommage de ne pas nous avoir gardé cette chanson-là sur l'album All Things Must Pass. Je sais pas, il aurait fallu faire un quadruple album, pourquoi pas? Parce que ça, ça a été créé pendant All Things Must Pass en 1970. Vous imaginez la quantité de bonnes chansons qu'avait George Harrison à cette époque-là? C'est absolument impressionnant. Alors pendant très longtemps, c'est resté dans les bootlegs. Et puis là, pour les 50 ans, les 60 ans, les 70 ans et tout ça, on nous en met régulièrement. Et c'est un grand bonheur parce que c'est du bon son, c'est bien fait et c'est très, très agréable. Est-ce qu'on revient à l'album de la semaine? Oui, avec All My Lovin' sur RIG dans la saga des Fab Four numéro 561. Est-ce que je l'ai dit tout à l'heure? Je le dis maintenant en tout cas. Close your eyes. I'll pretend that I'm missing the lips I'm missing, and hope that my dreams will come true. And while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my love to you. All my love. Close your eyes. My love, I will show you all. tous, je m'appelle Fabrice, restaurateur à Talence et accessoirement grand fan des Beatles. Je suis aussi un auditeur assidu de la saga des Papons, émission fabuleuse que je diffuse tous les mercredis soirs dans mon restaurant au thème des Beatles, afin que mes clients puissent profiter de la douce voix de Thierry, notre maître de cérémonie. Tout à l'heure, on a écouté Matchbox et c'était l'autre face, Slow Down. Il m'a suffi simplement de retourner le disque, d'attendre un petit peu et puis voilà. Je vous propose d'écouter la première prise de la chanson Imagine. Elle est sur l'anthologie Lennon Ascot, sortie en 1998. C'est plutôt très très sympathique. Voici Imagine par John Lennon. Mais arrêtez de dire que c'est par Yoko Ono parce que c'est pas vrai. Bon, ça regarde que moi. J'ai demandé à Gims pourtant. Allez, on arrête les bêtises. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill. Someday Vous êtes en plein cœur de la saga des Fab Four numéro 561 sur RIG ou sur www.rigfm.fr. Et ce soir, l'album de la semaine, c'est With the Beatles par les Beatles en 1963. À l'instant, c'était A Love for You qui date des sessions de l'album Ram en 1971 et qui n'est sorti en vrai, vous comprenez ce que je veux dire, c'est-à-dire ceux qui ne l'avaient pas en bootleg l'ont eu récemment, en vrai, seulement récemment, quoi, justement. Et combien de chansons comme ça Paul McCartney a-t-il en stock? On se demande, hein, parce que ça doit être des centaines. Et je ne parle pas comme John Lennon, des petits bouts de chansons, des petits trucs qu'il arrête et tout ça. Moi, je parle de chansons orchestrées complètement, parce que McCartney est un bourreau de travail. Et lui, même les trucs qui ne sortent pas, il les orchestre entièrement, ou presque. Il y en a peut-être quelques-unes qui ne sont pas orchestrées entièrement. Bon, et ce soir, vous êtes gâtés, les enfants, parce que en principe, il y a une cover. Et bien là, vous en avez deux, mais involontairement, c'est... Je l'ai choisi comme ça parce que j'ai pensé justement à Marc qui fait l'émission d'avant et qui adore les Rolling Stones. Sachez que, enfin vous le savez, qu'en 1963, les Beatles ont offert leur premier titre qui a marché aux Rolling Stones. Ils se sont réunis et puis ils ont dit on aurait besoin d'une chanson pour le premier 45 tours. Et les Beatles en avaient une qui n'était pas finie. Ils se sont mis dans un coin, Lennon et McCartney, et en quelques minutes, ils ont sorti I Wanna Be Your Man, qui est sorti en 63 pour le single, et en 64 sur l'album Around and Around pour les Rolling Stones. On écoute d'abord la version des Rolling Stones, et puis la version donnée à Ringo, parce qu'il n'y avait pas de raison qu'on n'entende pas les deux l'une à la suite de l'autre. Voici d'abord les Rolling Stones, ensuite Ringo, et Ringo n'a pas à leur redemander, il est bon aussi. Alors, le match, bah oui, c'est Ringo Starr qui gagne avec les Beatles. Cet extrait de With the Beatles, et c'est l'album de la semaine de la saga des Fab Four. Maintenant, nous en sommes vraiment à la cover. Enfin, c'était déjà une cover l'autre, mais dans le principe de l'émission. Mais voici la cover que l'un d'entre vous m'a fait découvrir il y a peu de temps. Et comme je n'aime pas trop prendre des chansons et ne rien donner à l'artiste, j'ai trouvé l'artiste sur iTunes. Ça coûtait 99 centimes, excusez-moi. Donc ça n'avait pas le coup de s'en priver. Ça récompense l'artiste. Ce sont des filles qui ont chanté la fin du medley d'Abbey Road d'une très très très très belle façon. Elles sont deux sœurs, je pense, c'est Sina et Emily Lynch, et elles vont vous proposer Golden Slumbers Carry That Weight, The End, sur un album, enfin, d'une chanson, qui s'appelle Abbey Road Medley, sortie en 2021, tout simplement. La voici, la chanson. Once there was a way to get back home. Once there was a way to get back home. Sleep, pretty darling, do not cry. And I will sing a lullaby. Golden slumbers fill your eyes. Smile. reste un petit bout. On attend. Question de quelques secondes. Her Majesty's a pretty nice girl, but she doesn't have a lot to say. Her Majesty's a pretty nice girl, but she changed from day to day. I wanna tell her that I love her a lot, but I gotta get a belly full of wine. Her Majesty's a pretty nice girl, someday I'm gonna make her mine. Oh yeah. Let's go back, back, back, back, back, back, back. On my God, on my God, two, chanson sur Ram en 1971, Smile Away. Je me demande si la basse, si c'est la basse qu'on entend qu'on fait comme ça, et si ça s'appelle la basse fuzz. Ça avait déjà été utilisé du temps des Beatles, mais après tout en 1971, s'il a envie de l'utiliser une fois, il n'avait rien à demander à personne, il avait parfaitement le droit. Et quel morceau, quel beau morceau. Tiens, en voici un autre qui nous fait revenir en 1970, et encore une fois avec cette impression que George Harrison aurait pu sortir un quadruple album parce que I Live For You a été écarté de All Things Must Pass. Et pourtant, quelle belle chanson. Les 50 ans de l'album All Things Must Pass. Et là, Ringo, 1973, Have You Seen My Baby sur RIG.

Pendant la diffusion de ce disque, je repensais à Ringo Starr qui a affirmé il y a pas très longtemps, lors d'un, vous savez, les Late Show. Il a dit, en fait, s'il n'y avait pas eu McCartney pour comme bourreau de travail, on aurait peut-être fait deux disques seulement avec les Beatles s'il n'avait pas été dans le groupe. Parce que nous, on était tranquillos à la maison, tranquilles, en train de faire autre chose, on va dire. Et puis, on se met un coup de fil. « Oh les gars, ça vous dit d'aller en studio, blablabla ?» Bon. Et puis, une fois qu'on était en studio, allez, on y allait, quoi, parce qu'on aimait ça quand même. Mais c'était la plupart du temps McCartney qui nous poussait. Eh oui, ben merci Paul, parce que si ça n'avait pas été le cas, s'il n'y avait eu que deux disques, peut-être qu'on n'aurait jamais entendu parler des Beatles en 2023. Ça, c'était en 1973. Jet, sur RIG 90.7, la radio des Beatles. John Lennon arrive dans la saga des Fab Four. cloud. In the middle of a cloud, I call your name. Oh, Yoko. Oh, Yoko. My love will turn you on. Je sais, vous allez me dire. Ça y est, il est devenu fou, il nous passe au Yoko. Mais cette chanson est guillerette, elle est sympa. Hein? Donc, je vois pas pourquoi on pourrait pas passer cette chanson-là, il n'y a pas de raison, elle est sympa. Elle est comme d'habitude, hein? Il dit au milieu de la nuit, je dis ton nom, quand je vais aux toilettes, je dis ton nom. Enfin là, je dis n'importe quoi, mais voilà. Ça va pas très très loin, cette chanson. Mais elle est sympa, voilà. Et puis, rappelez-vous que, un peu moins de 10 ans avant, il chantait cette chanson-là. I want to hold your hand. Je veux tenir ta main sur RIG. La chanson suivante n'était pas prévue. Mais quelquefois, quand je lis ce que vous marquez sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four, j'en tiens compte. Donc c'est pour toi. Cop, give me thine hand sur RIG. Je crois que c'est la première fois que je la passe, sûrement depuis 20 ans. Tranquille. Come give me thine heart. Come give me thine heart. Oh, do bless. ont réutilisé la bande musicale qu'ils avaient déjà. On leur a traduit les paroles parce qu'à un moment, ils disent « Oh, du bist so schön, donc tu es si belle, comme gib mir deine Hand, viens, donne-moi ta main ». Après, mon allemand est trop loin pour que je me rappelle de toutes les paroles. Et puis, c'est vrai que ça sonne moins, c'est plus rugueux qu'en anglais, je trouve. Hein? Allez, on retrouve l'album de la semaine, l'album With the Beatles, et cette chanson, Little Girl, sur RG. Little child, little child, won't you dance with me? I'm so sad and lonely, baby, take a chance with me. Little child, little child, little child, won't you dance with me? I'm so sad and lonely, baby, take a chance with me. If you want someone to make you feel so fine, then we'll have some fun when you're mine. Little child, won't you dance with me? I'm so sad and lonely, baby, take a chance with me. Yeah. Good Night Vienna, on Apple Records and tapes. Thanks, John. It's a pleasure, Ringo. Ah, j'aime bien passer ce petit moment là. Entre Ringo et John, John qui fait de la pub pour Ringo, pour son album Goodnight Vienna. Très bon album d'ailleurs. Ça, c'est encore le puissant George Harrison. Nowhere to go. La première prise. Et c'est sur RG. I get tired of being pushed around. Trampled to the ground. Every time somebody comes to town, I get tired. A policeman on the prowl, looking in my bow. Somebody's getting high. Nowhere to go. There's no place to hide myself. Nowhere I know that they don't know. And I know pas dans son livre I'm in Mine. On comprend un peu pourquoi il n'a pas gardé cette chanson-là sur l'album All Things Must Pass, parce que si vous écoutez les paroles, et à un moment donné, il dit j'en ai marre d'être le Beatle. Alors est-ce qu'il dit Jeff? J'avais pas le casque sur les oreilles, qu'importe. Et j'en ai marre d'être, donc, admettons, le Beatle Jeff qui arrive dès que quelqu'un fait le siffle, quoi. En gros, il en avait marre. Et ça a fait une belle chanson et ça a fait un superbe album, All Things Must Pass. Lui avait besoin d'être en dehors des Beatles parce que les deux têtes pensantes, John Lennon et Paul McCartney, l'empêchaient de s'épanouir. Oui, lui a été content de la séparation, c'est sûr. C'est une femme maintenant, c'est les Beatles sur RG. People.

I Saw Her Standing There, première chanson du premier album des Beatles. Ils commençaient directement par une chanson qu'ils avaient créée eux et non pas des reprises, alors que dans les années 60, souvent les groupes ne faisaient que interpréter et il y avait un gang de compositeurs, non, mais une équipe de compositeurs qui composaient pour différents groupes, etc. Eux, ils n'ont pas choisi ce chemin-là, tout simplement parce qu'ils pensaient que tout le monde chantait à peu près les mêmes choses. Ils s'en étaient rendus compte lorsqu'ils étaient allés à Hambourg. Alors, la différence se faisait dans l'interprétation, d'accord, mais le mieux, c'était de composer soi-même comme ça. On était vraiment différents des autres. Et c'est là que Lennon et McCartney ont commencé à se dire, on va essayer, et si on y arrive, on sera les meilleurs, on sera le top du top du top du top, et ils ont été le top du top du top du top. Vraiment. I'm a loser. Et puis lui, il dit qu'il est un perdant. I'm a loser. John Lennon en 64. And I'm not what I appear to be. Of all the love I have won or have lost, there is one love I should never have crossed. She was a girl in a million, my friend. I should have known she would win in the end. Although I laugh and I act like a clown, beneath this mask I am wearing a frown. My tears are falling like rain from the sky. Is it for her or myself that I cry? I'm a loser. What have I done to deserve such a fate? Left it too late. And so it's true, pride comes before a fall. I'm telling you so that you won't lose all. I won't see her no more. Encore une fois, extrait du premier album des Beatles, Please Please Me with Love Me Do and 12 Other Songs, puisque ça c'est le titre qu'on peut trouver sur les premiers albums des Beatles. Ensuite, ils ont fini par mettre simplement Please Please Me, mais ça voulait bien dire ce que ça voulait dire. Au départ, avant l'aventure Beatles, la plupart du temps, les 33 tours étaient considérés comme une collection de 45 tours, mais pas un ensemble. Ça changera, et ça changera grâce aux Beatles. Voici une belle chanson, une très très belle chanson, signée Paul McCartney en 1964. Dois-je rajouter que c'est une année exceptionnelle? Et c'est And I Love Her sur RIG. Il n'y a pas de Eric ce soir, vous le retrouverez la semaine prochaine. I give her all my love, that's all I do. And if you saw love of mine will never die.

pas d'Eric ce soir. La prolongation a été très très légère, mais je vous retrouve la semaine prochaine dans la joie, la bonne humeur et tout et tout et tout. Je vous souhaite une bonne soirée et donc pas d'Eric ce soir et à la semaine prochaine. Salut, ciao.